Je ferme ma veste et me prépare au vent frais du matin. Je sors du bus à Saint-Rémy, direction le quai du train. Départ dans 2 minutes, donc je marche avec entrain. Sans savoir que je tiens mon futur son entre mes mains. Page 1, je jette un œil rapide sur les titres. Rien à signaler, donc je passe à la suite. Page 2, on s'en fout, c'est de la pub, donc je passe à la page 3. D'un seul coup, il fait plus froid. Nouveau suicide chez Renault, le 4e en 3 ans. Pascal, ingénieur, âgé de 51 ans. A mis fin à ses jours, laissant femme et enfant. Voilà ce qui confirme l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur. Plus bas, Stéphane, un chauffeur de bus de métier, jardinier à mi-temps, condamné à 6 mois à l'âge de 38 ans, balancé par un appel anonyme. Dans son grenier poussé 30 plants de cannabis, quelques grammes de cocaïne ont été trouvés par la police. Du jour au lendemain, tu vois ta vie peut basculer. T'auras beau dire à l'enculé, maintenant mon pote faut assumer. Page 4, Michel 49 ans se balader, le fil baissé sur le quai de la gare, devant des jeunes en chien de chat sûrement. Un gars comme ça, moi je l'éclate durement, il ne mérite pas le placard. Hassan 31 ans, condamné à 5 ans ferme pour avoir agressé sexuellement son ex-compagne. Une plainte est déposée, ce bouffon prend la fuite. Ça joue les shows mais ça vient pas montrer son nez au tribunal. Samia, adolescent de 15 ans, certainement mal de vivre, a fait croire à sa famille une tentative d'enlèvement. Quelques jours plus tard, alors qu'elle part à l'école, elle appelle la police en disant qu'elle vient de se faire agresser sur le chemin, manque de bol. Deux flics en civil l'ont suivi, ont bien vu que c'était faux. Samia avait tout inventé, retiens juste qu'on peut jamais cacher longtemps la vérité. Page 6, un jeune de 23 ans, l'autre 26, ont lâché pour le fun leur beat sur un handicapé qu'elle kiffe. Comme si c'était pas assez, ils l'ont bien sûr tabassé. Page 7, encore un cinglé de la bite qui se branle à poil sur le balcon de là où il habite. Il vient se présenter devant la porte de ses voisines, dont celle de Flora avec le sexe à l'air libre. Insulte, harcèlement, faut que plusieurs se plaignent. Position indécente, faut que plusieurs le craignent. Et pourtant, le juge lui donna que 6 mois avec sursis. Mais ce n'est pas lui qui la nuit se fera du souci. Page 8, encore le suicide d'un homme travaillant comme ingénieur chez France Télécom. En 2 ans, cela fait donc 25 morts, 25 familles dont la douleur est hardcore. Voilà pour les nouvelles de ce vendredi 16 octobre. Enfin un aperçu car il y en a encore plus d'une tonne. Mais j'arrive à mon arrêt donc j'arrête à l'. Je laisse à qui voudra sur le siège ce journal.